C'est mon domaine cisque, premier fruit. Identité. Tu demandes les prémices des récoltes, les premiers fruits de la terre. Et avec le panier entre les mains, tu fais raconter toute l'histoire entière. Mon père était un araméen errant. Nous étions esclaves dans un pays étranger. Tu nous as fait sortir par ta main forte. Et tu nous as donné une terre pour habiter. Tu lis l'offrande à la mémoire, le don souvenir de ta grâce. Nous déposons nos premiers fruits devant toi, en disant tout vient de tes mains. Nous nous souvenons de l'esclavage, pour mieux célébrer le lendemain. Nous déposons nos premiers fruits devant toi, avec le pauvre, l'étranger, l'orphelin. Car la bénédiction ne se garde pas seule, elle se partage en chemin. Tu dis, aujourd'hui tu es mon peuple, et aujourd'hui je suis ton Dieu. Tu sais la nouvelle alliance avant de les faire passer en ces lieux. Tu appelles à obéir de tout cœur, non par peur mais par amour. Car tu as choisi ce peuple petit pour en faire un trésor pour toujours. Nous déposons nos premiers fruits devant toi, en disant tout vient de tes mains. Souvenons de l'esclavage, pour mieux célébrer le lendemain. Nous déposons nos premiers fruits devant toi, avec le pauvre, l'étranger, l'orphelin. Car la bénédiction ne se garde pas seule, elle se partage en chemin. Se dit dans la façon dont nous te rendons ce que tu donnes.